Et il faudra que tu mettes ton pseudo sur Ninjam là, c'est-à-dire Jamtabaz. Et moi, je mettrai mon surnom là-dessus. Police Sanchez. Et ensuite, à la suite de ça, là, tu as une fenêtre plus bas où ça demande de choisir ton serveur. Bah, tu choisis le serveur Linbot 2051. Tu ouvres la fenêtre Connect avec Jamtababas Inbot 2051 là. Tu vois, ça va t'ouvrir une fenêtre sur laquelle tu rejoins avec la caméra là. Je sais pas si je te l'ai dit, mais ma femme est originaire de la Drôme, là, tout près du Vercors, et puis c'est carrément leur hobby, ça. Ah, les Vosges, ok. C'est bon, j'y suis dans l'application, là. Non, en fait, tu dois installer l'application que Bernard t'a envoyée la dernière fois là. Ça, c'est une application.